français. 2008, hein. C'est mon destin, c'est mon destin, mon destin, mon destin. Toujours incertain, une chose de certaine. Avec ou sans chance, j'avance, balance, dérive par centaines. Air qui t'entraîne, entraîne et peine sans veine. La suite c'est avenir incertain. Mon destin, je le vois sombre. J'avance dans l'ombre, dans la pénombre. Car dans le passé, des galères, j'en ai eu en nombre. Me vois-tu milliardaire, après tant de verres, j'en serais fier, fier d'inverser une situation qui m'a fait pâlir. Faut pas rire, faut pas fuir devant les obstacles de la vie. Et même si c'est difficile, faut avancer. Tu sais, mon présent n'est pas plus plaisant que mon passé. Mon cœur blessé est trop souvent laissé de déco. Le peintre de ma vie est trop mauvais en déco. Je crois qu'il déconne, et du fait, la vie me cartonne. Rien de drôle, ce n'est pas un cartoon. J'ai pas de bol, et la tête me tourne. Avec ou sans la tisse, rien de prévu, donc j'improvise et vise le centre de la roue. Du destin, c'est fou, mais avenir incertain. Toujours incertain, une chose de certaine. Avec ou sans chance, j'avance, balance, dérive par centaines. Air qui t'entraîne, entraîne et peine sans veine. La suite c'est avenir incertain. Mon destin, toujours incertain, une chose de certaine. Avec ou sans chance, j'avance, balance, dérive par centaines. Air qui t'entraîne, entraîne et peine sans veine. La suite c'est avenir incertain. J'ai du mal à croire à demain, quand tu vois que du jour au lendemain, certains se retrouvent à la rue ou pètent les plombs comme de la rue. Et qui l'eût cru, y'a trop de zermis. À tout moment, ta vie s'effondre, comme rongée par les termites qui t'abîment, tu prends des mythes. Et si la vie est une course, j'ai attrapé une tendinite, presque en fait fort, et la chance s'éloigne encore. Et si le destin est tracé, sache que le mien n'est pas écrit dans un beau livre. Je roulerai pas en bolide, dormirai pas dans un beau lit. Et puis, merde, regarde, j'ai même du mal à rester poli. Rêve de thunes comme au Monopoly, marre de voler à Monoprix. Je veux voler mes propres ailes sans faire état de zèle. Ici, c'est trop la zermie, et depuis longtemps, trop longtemps, j'attends mon jour de gloire. Destin, toujours incertain, une chose de certaine. Avec ou sans chance, j'avance, balance, dérive par centaines. Air qui t'entraîne, entraîne et peine sans veine. La suite c'est avenir incertain. Mon destin, toujours incertain, une chose de certaine. Avec ou sans chance, j'avance, balance, dérive par centaines. Air qui t'entraîne, entraîne et peine sans veine. La suite c'est avenir incertain. Je garde espoir, mais viendra-t-il? Et sinon, que faudra-t-il que je fasse quand les malheurs s'accroissent, entouré par la poisse, puis la naissance? Et franchement, ça fait longtemps que ça commence à me saouler. La hive me rend ivre, et de la merde, par mes écrits, je me délivre. Là où d'autres s'enfoncent dans de nombreux délits, ou dorment sur des lits d'hôpitaux. 20 piges, c'est trop tôt pour penser au futur, c'est ce que mes proches m'assurent. Mais la mort à tous les deux ports, même de ce fort frappe, donc je rappe. Imagine mon destin, et putain ça fait flipper. Je nage dans la galère, mais pas comme Flipper. L'avenir me fait peur, la chance n'est pas au rendez-vous. J'espère que c'est juste un retard, je l'attends et l'attendrai autant de temps que mon cœur battra. Mon destin, toujours incertain, une chose de certaine. Avec ou sans chance, j'avance, balance, dérive par centaines. Air qui t'entraîne, entraîne et peine sans veine. La suite c'est avenir incertain. Mon destin, toujours incertain, une chose de certaine. Avec ou sans chance, j'avance, balance, dérive par centaines. Air qui t'entraîne, entraîne et peine sans veine. La suite c'est avenir incertain. Avenir incertain, ça c'est certain. Accroche-toi bien. C'est mon destin, c'est mon destin, destin. C'est mon destin. Dès la naissance, rien n'est tracé. J'attendrai ma chance jusqu'aux cendres, même trop lassé. LERAC.